faut qu'on soit fier. Qu'on soit fier, ouais. J'avance dans la froideur du monde face aux obstacles et aux échecs. Je suis le roi de ma vie. Dans ma partie, je n'attends pas la défaite. Je suis lancé, faut pas que je freine, faut pas que je m'arrête, mec. Faut qu'on soit fier. Vivons nos rêves, je continuerai ma quête, mec. J'avance dans la froideur du monde face aux obstacles et aux échecs. Je suis le roi de ma vie. Dans ma partie, je n'attends pas la défaite. Je suis lancé, faut pas que je freine, faut pas que je m'arrête, mec. Faut qu'on soit fier. Vivons nos rêves, je continuerai ma quête, mec. Qu'on soit fier. Qu'on soit fier. Qu'on soit droit, qu'on soit grand. Qu'on soit fier. Qu'on soit fier. Notre vie super pour oublier l'enfer. Qu'on soit fier. J'ai pas le physique de Brad Pitt, ok. J'en ai rien à foutre. J'ai pas le compte en banque de Bill Gates, non. Je m'en sors coûte que coûte, je suis ma route, j'avance. Tout est flou dans ma vue, je roule à contresens. T'essaies pas de me ralentir, j'ai fait le plein d'essence. J'étais en convalescence, de retour pour faire péter tes sens. Dans tes tympans, c'est l'effervescence. Grâce à ma passion, ma vie a trouvé son vrai sens. J'éteins les lumières, lève les mains et roule encore plus vite. On me jette des briques, wow. J'esquive et les évite. Fier de nos vies, j'avance pas à pas, quoi qu'il se passe. On doit faire face à ces abrutis qui veulent qu'on s'efface. On brille, on brille, on brille, on brille de mille feux. Scintille, on brille, on brille, on grille, on fout le feu. C'est nos vies. Et pour gagner la partie, c'est simple, faut tenir le coup, rester droit jusqu'au bout. Comme au garde à vous, j'avoue, le rythme est mon repère. Les rimes sont mes confrères, ne lâchons rien, mon frère. Faut qu'on soit fier, frère, toujours fier. J'avance dans la froideur du monde face aux obstacles et aux échecs. Je suis le roi de ma vie. Dans ma partie, je n'attends pas la défaite. Je suis lancé, faut pas que je freine, faut pas que je m'arrête, mec. Faut qu'on soit fier. Vivons nos rêves, je continuerai ma quête, mec. Qu'on soit fier, qu'on soit droit, qu'on soit grand, frère. Qu'on soit fier, qu'on soit fier. Notre vie super pour oublier l'enfer. Qu'on soit fier, qu'on soit fier. Putain, j'aime quand c'est comme ça. Qu'on soit fier, qu'on soit fier. Dis-moi ce que t'attends pour lever tes bras. Un seul mot d'ordre, ce soir c'est clair, faut qu'on soit fier. C'est pas la fin du monde, faut qu'on soit fort, on sait y faire. Ouais, faut s'y faire. Qui dit respect, dit solidaire. Tous ensemble sur la même terre, et chacun dans sa galère, tu sais. Toujours sur la même terre, la même herbe, les mêmes repères. Je m'inspire de la même herbe, le même flair, les mêmes cernes. Je respire toujours le même air, qui m'emmène à rester le même être. Avec le même nom et la même tête, je signerai toujours cette même lettre. Par F-A-C-K-Y, retiens mon blaze. J'en suis fier et je le serai toujours. Je veux réaliser mes rêves et t'inquiète que je ferai tout pour. Fier de ma vie, de ma famille, de mes amis, ouais, fier de qui je suis. Fier de ce monde, sois fier aussi, ouais, on représente. Faire découvrir le rap qui vient de Nantes, on se présente, yeah. Le crew l'assaut, tout dans l'entente et tout dans la tête. À ton tour de venir me dire ce que tu sais faire. On n'est pas là pour s'écraser, faut qu'on soit fier, frère, soyons fiers. J'avance dans la froideur du monde, face aux obstacles et aux échecs. Je suis le roi de ma vie, dans ma partie, je n'attends pas la défaite. Je suis lancé, faut pas que je traîne, faut pas que je m'arrête, mec. Faut qu'on soit fier, vivons nos rêves, je continuerai ma quête, mec. Faut qu'on soit fier, qu'on soit droit, qu'on soit grand. Qu'on soit fier, notre vie super pour oublier l'enfer. Qu'on soit fier, putain j'aime quand c'est comme ça. Qu'on soit fier.